Section 8 Des mémoires d'outre-tombe, volume 3, par François-René de Chateaubriand. Les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Troisième partie, livre deuxième, suite. Napoléon, au milieu de la nuit, fit appeler un de ses aides-de-camp. Celui-ci le trouva la tête appuyée dans ses deux mains. « Qu'est-ce que la guerre ? » disait-il. Un métier de barbare, où tout l'art consiste à être le plus fort sur un point donné. Il se plaint de l'inconstance de la fortune. Il envoie examiner la position de l'ennemi. On lui rapporte que les feux brillent du même éclat et en égal nombre. Il se tranquillise. À 5 heures du matin, Ney lui envoie demander l'ordre d'attaque. Bonaparte sort et s'écrie « Allons ouvrir les portes de Moscou !» Le jour paraît. Napoléon, montrant l'Orient qui commençait à rougir, « Voilà le soleil d'Austerlitz » s'écria-t-il. Le 6, à 2 heures du matin, l'empereur parcourut les avant-postes ennemis. On passa la journée à se reconnaître. L'ennemi avait une position très resserrée. Cette position parut belle et forte. Il était facile de manœuvrer et d'obliger l'ennemi à l'évacuer, mais cela aurait remis la partie. Le 7, à 6 heures du matin, le général comte Sorbier, qui avait armé la batterie droite avec l'artillerie de la réserve de la garde, commença le feu. À 6 heures et demie, le général Compan est blessé. À 7 heures, le prince d'Eckmühl a son cheval tué. À 7 heures, le maréchal duc d'Etchingen se remet en mouvement et, sous la protection de 60 pièces de canon que le général Fouché avait placées la veille contre le centre de l'ennemi, se porte sur le centre. 1000 pièces de canon vomissent de part et d'autre la mort. À 8 heures, les positions de l'ennemi sont enlevées, ses redoutes prises, et notre artillerie couronne ses mamelons. Il restait à l'ennemi ses redoutes de droite. Le général comte Morand y marche et les enlève. Mais à 9 heures du matin, attaqué de tous côtés, il ne peut s'y maintenir. L'ennemi, encouragé par ce succès, fit avancer sa réserve et ses dernières troupes pour tenter encore la fortune. La garde impériale russe en fait partie. Il attaque notre centre sur lequel avait pivoté notre droite. On craint pendant un moment qu'il n'enlève le village brûlé. La division Friant s'y porte. 80 pièces de canon françaises arrêtent d'abord et écrasent ensuite les colonnes ennemies qui se tiennent pendant 2 heures serrées sous la mitraille, n'osant pas avancer, ne voulant pas reculer et renonçant à l'espoir de la victoire. Le roi de Naples décide leur incertitude. Il fait charger le 4e corps de cavalerie qui pénètre dans les brèches que la mitraille de nos canons a faites dans les masses serrées des Russes et les escadrons de leurs cuirassiers. Ils se débandent de tous côtés. Il est 2 heures après-midi, toute espérance abandonne l'ennemi, la bataille est finie, la canonnade continue encore. Il se bat pour sa retraite et pour son salut, mais non pour la victoire. Notre perte totale peut être évaluée à 10 000 hommes. Celle de l'ennemi à 40 ou 50 000. Jamais on n'a vu pareil champ de bataille. Sur 6 cadavres, il y en avait 1 français et 5 russes. 40 généraux russes ont été tués, blessés ou pris. Le général Bagration a été blessé. Nous avons perdu le général de division, comte Montbrun, tué d'un coup de canon. Le général comte Caulaincourt, qui avait été envoyé pour le remplacer, tué d'un même coup 1 heure après. Les généraux de brigade, Compère, Plouzonne, Marion, Huard, ont été tués. 7 ou 8 généraux ont été blessés, la plupart légèrement. Le prince d'Eckmühl n'a eu aucun mal. Les troupes françaises se sont couvertes de gloire et ont montré leur grande supériorité sur les troupes russes. Telle est en peu de mots l'esquisse de la bataille de la Moscova, donnée à 2 lieues en arrière de Mojaïsk et à 25 lieues de Moscou. L'empereur n'a jamais été exposé. La garde, ni à pied ni à cheval, n'a pas donné et n'a pas perdu un seul homme. La victoire n'a jamais été incertaine. Si l'ennemi, forcé dans ses positions, n'avait pas voulu les reprendre, notre perte aurait été plus forte que la sienne. Mais il a détruit son armée en la tenant depuis 8 heures jusqu'à 2 sous le feu de nos batteries et en s'opiniâtrant à reprendre ce qu'il avait perdu. C'est la cause de son immense perte. Note. Extrait du 18e bulletin de la Grande Armée. Fin de note. Ce bulletin froid et rempli de réticence est loin de donner une idée de la bataille de Moscova et surtout des affreux massacres à la Grande Redoute. 80 000 hommes furent mis hors de combat. 30 000 d'entre eux appartenaient à la France. Auguste de la Roche-Jacquelin eut le visage fendu d'un coup de sabre et demeura prisonnier des moscovites. Il rappelait d'autres combats et un autre drapeau. Bonaparte, passant en revue le 64e régiment, presque détruit, dit au colonel « Colonel, qu'avez-vous fait d'un de vos bataillons ?»« Sire, il est dans la redoute. » Les Russes ont toujours soutenu et soutiennent encore avoir gagné la bataille. Ils vont élever une colonne triomphale funèbre sur les hauteurs de Borodino. Le récit de M. de Ségur va suppléer à ce qui manque au bulletin de Bonaparte. L'empereur parcourut, dit-il, le champ de bataille. Jamais aucun ne fut d'un si horrible aspect. Tout y concourait. Un ciel obscur, une pluie froide, un vent violent, des habitations en cendres, une plaine bouleversée couverte de ruines et de débris. À l'horizon, la triste et sombre verdure des arbres du nord, partout des soldats errant parmi des cadavres, et cherchant des subsistances jusque dans les sacs de leurs compagnons morts. D'horribles blessures, car les balles russes sont plus grosses que les nôtres, des bivouacs silencieux. Plus de chants, point de récits, une morne taciturnité. On voyait autour des aigles le reste des officiers et sous-officiers, et quelques soldats, à peine ce qu'il en fallait pour garder le drapeau. Leurs vêtements étaient déchirés par l'acharnement du combat, noircis de poudre, souillés de sang. Et pourtant, au milieu de ces lambeaux, de cette misère, de ce désastre, un air fier, et même, à l'aspect de l'empereur, quelques cris de triomphe, mais rares et excités. Car dans cette armée, capable à la fois d'analyse et d'enthousiasme, chacun jugeait de la position de tous. L'empereur ne put évaluer sa victoire que par les morts. La terre était tellement jonchée de Français étendus sur les redoutes qu'elle paraissait leur appartenir plus qu'à ceux qui restaient debout. Il semblait y avoir là plus de vainqueurs tués que de vainqueurs vivants. Dans cette foule de cadavres, sur lesquels il fallait marcher pour suivre Napoléon, le pied d'un cheval rencontra un blessé et lui arracha un dernier signe de vie ou de douleur. L'empereur, jusque-là muet comme sa victoire et que l'aspect de tant de victimes oppressait, éclata. Il se soulagea par des cris d'indignation et par une multitude de soins qu'il fit prodiguer à ce malheureux. Puis il dispersa les officiers qui le suivaient pour qu'ils secourussent ceux qu'on entendait crier de toutes parts. On en trouvait surtout dans le fond des ravines, où la plupart des nôtres avaient été précipités, et où plusieurs s'étaient traînés pour être plus à l'abri de l'ennemi et de l'ouragan. Les uns prononçaient en gémissant le nom de leur patrie ou de leur mère, c'étaient les plus jeunes. Les plus anciens attendaient la mort d'un air ou impassible ou sardonique, sans daigner implorer ni se plaindre. D'autres demandaient qu'on les tuât sur le champ. Mais on passait vite à côté de ces malheureux, qu'on n'avait ni l'inutile pitié de secourir, ni la pitié cruelle d'achever. Tel est le récit de M. de Ségur. Anathème aux victoires non remportées pour la défense de la patrie et qui ne servent qu'à la vanité d'un conquérant. La garde, composée de 25 000 hommes d'élite, ne fut point engagée à la Moscova. Bonaparte la refusa sous divers prétextes. Contre sa coutume, il se tint à l'écart du feu et ne pouvait suivre de ses propres yeux les manœuvres. Il s'asseyait ou se promenait près d'une redoute emportée la veille. Lorsqu'on venait lui apprendre la mort de quelques-uns de ses généraux, il faisait un geste de résignation. On regardait avec étonnement cette impassibilité. Ney s'écriait « Que fait-il derrière l'armée ? Là, il n'est apporté que des revers et non des succès, puisqu'il ne fait plus la guerre par lui-même, qu'il n'est plus général, qu'il veut faire partout l'empereur, qu'il retourne aux Tuileries et nous laisse être généraux pour lui. » Murat avouait que dans cette grande journée, il n'avait plus reconnu le génie de Napoléon. Des admirateurs, sans réserve, ont attribué l'engourdissement de Napoléon à la complication des souffrances dont, assure-t-il, il était alors accablé. Ils affirment qu'à tout moment, il était obligé de descendre de cheval et que souvent il restait immobile, le front appuyé contre des canons. Cela peut être. Un malaise passager pouvait contribuer dans ce moment à la prostration de son énergie. Mais si l'on remarque qu'il retrouva cette énergie dans la campagne de Saxe et dans sa fameuse campagne de France, il faudra chercher une autre cause de son inaction à Borodino. Comment ? Vous avouez dans votre bulletin qu'il était facile de manœuvrer et d'obliger l'ennemi à évacuer sa belle position, mais que cela aurait remis la partie. Et vous, qui avez assez d'activité d'esprit pour condamner à la mort tant de milliers de nos soldats, vous n'avez pas assez de force de corps pour ordonner à votre garde d'aller au moins à leur secours ? Il n'y a d'autre explication à ceci que la nature même de l'homme. L'adversité arrivait. Sa première atteinte le glaça. La grandeur de Napoléon n'était pas de cette qualité qui appartient à l'infortune. La prospérité seule lui laissait ses facultés entières. Il n'était point fait pour le malheur. Entre la Moscova et Moscou, Murat engagea une affaire devant Mojaïsk. On entra dans la ville où l'on trouva 10 000 morts et mourants. On jeta les morts par les fenêtres pour loger les vivants. Les Russes se repliaient en bon ordre sur Moscou. Dans la soirée du 13 septembre, Koutouzov avait assemblé un conseil de guerre. Tous les généraux déclarèrent que Moscou n'était pas la patrie. Buturlin, histoire de la campagne de Russie, le même officier qu'Alexandre envoya au quartier de Monseigneur le duc d'Angoulême, en Espagne, Barclay, dans son mémoire justificatif, donne les motifs qui déterminèrent l'opinion du conseil. Koutouzov proposa au roi de Naples une suspension d'armes, tandis que les soldats russes traverseraient l'ancienne capitale d'Exar. La suspension fut acceptée car les Français voulaient conserver la ville. Murat seulement serrait de près l'arrière-garde ennemie et nos grenadiers emboîtaient le pas du grenadier russe qui se retirait. Mais Napoléon était loin du succès auquel il croyait toucher. Koutouzov cachait Rostopchine. Le comte Rostopchine était gouverneur de Moscou. La vengeance promettait de descendre du ciel. Un ballon monstrueux, construit à grands frais, devait planer sur l'armée française, choisir l'empereur entre 1 000, s'abattre sur sa tête dans une pluie de fer et de feu. À l'essai, les ailes de l'aréostat se brisèrent. Force fut de renoncer à la bombe des nuées, mais les artifices restèrent à Rostopchine. Les nouvelles du désastre de Borodino étaient arrivées à Moscou, tandis que sur un bulletin de Koutouzov, on se flattait encore de la victoire dans le reste de l'Empire. Rostopchine avait fait diverses proclamations en prose rimée. Il disait « Allons, mes amis les moscovites, marchons aussi. Nous rassemblerons 100 000 hommes, nous prendrons l'image de la Sainte Vierge, 150 pièces de canon, et nous mettrons fin à tout. » Il conseillait aux habitants de s'armer simplement de fourches, un Français ne pesant pas plus qu'une gerbe. On sait que Rostopchine a décliné toute participation à l'incendie de Moscou. On sait aussi qu'Alexandre ne s'est jamais expliqué à ce sujet. Rostopchine a-t-il voulu échapper aux reproches des nobles et des marchands dont la fortune avait péri ? Alexandre a-t-il craint d'être appelé un barbare par l'Institut ? Ce siècle est si misérable. Bonaparte en avait tellement accaparé toutes les grandeurs que quand quelque chose de digne arrivait, chacun s'en défendait et en repoussait la responsabilité. L'incendie de Moscou restera une résolution héroïque qui sauva l'indépendance d'un peuple et contribua à la délivrance de plusieurs autres. Numance n'a point perdu ses droits à l'admiration des hommes. Qu'importe que Moscou ait été brûlée, ne l'avait-il pas été déjà 7 fois ? N'est-il pas aujourd'hui brillant et rajeuni, bien que dans son 21e bulletin, Napoléon eût prédit que l'incendie de cette capitale retarderait la Russie de 100 ans ? Le malheur même de Moscou, dit admirablement Madame de Staël, a régénéré l'Empire. Cette ville religieuse a péri comme un martyr dont le sang répandu donne de nouvelles forces aux frères qui lui survivent. 10 années d'exil. Où en seraient les nations si Bonaparte, du haut du Kremlin, eût couvert le monde de son despotisme comme d'un drap mortuaire ? Les droits de l'espèce humaine passent avant tout. Pour moi, la terre fut-elle un globe explosible, je n'hésiterais pas à y mettre le feu s'il s'agissait de délivrer mon pays. Toutefois, il ne faut rien moins que les intérêts supérieurs de la liberté humaine pour qu'un Français, la tête couverte d'un crêpe et les yeux pleins de larmes, puisse se résoudre à raconter une résolution qui devait devenir fatale à tant de Français. On a vu à Paris le comte Rostopchine, homme instruit et spirituel. Dans ses écrits, la pensée se cache sous une certaine bouffonnerie. Espèce de barbare policé, de poète ironique, dépravé même, capable de généreuses dispositions, tout en méprisant les peuples et les rois, Les églises gothiques admettent dans leur grandeur des décorations grotesques. La débâcle avait commencé à Moscou. Les routes de Kazan étaient couvertes de fugitifs à pied, en voiture, isolés ou accompagnés de serviteurs. Un présage avait un moment ranimé les esprits. Un vautour s'était embarrassé dans les chaînes qui soutenaient la croix de la principale église. Rome eut, comme Moscou, vu dans ce présage la captivité de Napoléon. À l'approche des longs convois de blessés russes qui se présentaient aux portes, toute espérance s'évanouit. Kutuzov avait flatté Rostopchine de défendre la ville avec 91 000 hommes qui lui restaient. Vous venez de voir que le conseil de guerre l'obligeait de se retirer. Rostopchine demeura seul. La nuit descend, des émissaires vont frapper mystérieusement aux portes, annoncent qu'il faut partir et que Ninive est condamnée. Des matières inflammables sont introduites dans les édifices publics et les bazars, dans les boutiques et les maisons particulières. Les pompes sont enlevées. Alors Rostopchine ordonne d'ouvrir les prisons. Du milieu d'une troupe immonde, on fait sortir un Russe et un Français. Le Russe, appartenant à une secte d'illuminés allemands, est accusé d'avoir voulu livrer sa patrie et d'avoir traduit la proclamation des Français. Son père accourt. Le gouverneur lui accorde un moment pour bénir son fils. « Moi, bénir un traître ?» s'écrie le vieux moscovite. Et il le maudit. Le prisonnier est livré à la populace et abattu. « Pour toi, dit Rostopchine aux Français, tu devais désirer l'arrivée de tes compatriotes. Sois libre. Va dire aux tiens que la Russie n'a eu qu'un seul traître et qu'il est puni. » Les autres malfaiteurs relâchés reçoivent, avec leur grâce, les instructions pour procéder à l'incendie, quand le moment sera venu. Rostopchine sort le dernier de Moscou comme un capitaine de vaisseau quitte le dernier son bord dans un naufrage. Napoléon, monté à cheval, avait rejoint son avant-garde. Une hauteur restait à franchir, elle touchait à Moscou de même que Montmartre à Paris. Elle s'appelait le Mont du Salut, parce que les Russes y priaient à la vue de la ville sainte, comme les pèlerins en apercevant Jérusalem. Moscou, aux coupoles dorées, disent les poètes slaves, resplendissait à la lumière du jour avec ses 295 églises, ses 1500 châteaux, ses maisons ciselées, colorées en jaune, en vert, en rose. Il n'y manquait que les cyprès et le Bosphore. Le Kremlin faisait partie de cette masse couverte de fer poli ou peinturé. Au milieu d'élégantes villas de briques et de marbre, la Moscova coulait parmi des parcs ornés de bois de sapin, palmiers de ce ciel. Venise, au jour de sa gloire, ne fut pas plus brillante dans les flots de l'Adriatique. Ce fut le 14 septembre, à 2 heures de l'après-midi, que Bonaparte, par un soleil orné des diamants du pôle, aperçut sa nouvelle conquête. Moscou, comme une princesse européenne aux confins de son empire, parée de toutes les richesses de l'Asie, semblait amenée là pour épouser Napoléon. Une acclamation s'élève. « Moscou, Moscou !» s'écrient nos soldats. Ils battent encore des mains. Au temps de la vieille gloire, ils criaient « Revers ou prospérité, vive le roi !» Ce fut un beau moment, dit le lieutenant-colonel de Baudus, que celui où le magnifique panorama, présenté par l'ensemble de cette immense cité, s'offrit tout à coup à mes regards. Je me rappellerai toujours l'émotion qui se manifesta dans les rangs de la division polonaise. Elle me frappa d'autant plus qu'elle se fit jour par un mouvement empreint d'une pensée religieuse. En apercevant Moscou, les régiments entiers se jetèrent à genoux et remercièrent le Dieu des armées de les avoir conduits par la victoire dans la capitale de leur ennemi le plus acharné. Les acclamations cessent, on descend muet vers la ville. Aucune députation ne sort des portes pour présenter les clés dans un bassin d'argent. Le mouvement de la vie était suspendu dans la grande cité. Moscou chancelait, silencieuse, devant l'étranger. 3 jours après, elle avait disparu. La circassienne du Nord, la belle fiancée, s'était couchée sur son bûcher funèbre. Lorsque la ville était encore debout, Napoléon, en marchant vers elle, s'écriait « La voilà donc, cette ville fameuse !» Et il regardait. Moscou, délaissée, ressemblait à la cité pleurée dans les lamentations. Déjà Eugène et Poniatowski ont débordé les murailles. Quelques-uns de nos officiers pénètrent dans la ville. Ils reviennent et disent à Napoléon « Moscou est déserte ». Moscou est déserte, c'est invraisemblable, qu'on m'amène les boyards. Point de boyards, il n'est resté que des pauvres qui se cachent. Rues abandonnées, fenêtres fermées, aucune fumée ne s'élève des foyers d'où s'en échapperont bientôt des torrents. Pas le plus léger bruit. Bonaparte hausse les épaules. Murat, s'étant avancé jusqu'au Kremlin, y est reçu par les hurlements des prisonniers devenus libres pour délivrer leur patrie. On est contraint d'enfoncer les portes à coups de canon. Napoléon s'était porté à la barrière de Dorogomilov. Il s'arrêta dans une des premières maisons du faubourg, fit une course le long de la Moscova, ne rencontra personne. Il revint à son logement, nomma le maréchal Mortier gouverneur de Moscou, le général Duronel commandant de la place et M. de Lesseps chargé de l'administration en qualité d'intendant. La garde impériale et les troupes étaient en grande tenue pour paraître devant un peuple absent. Bonaparte apprit bientôt avec certitude que la ville était menacée de quelque événement. À 2 heures du matin, on lui vient dire que le feu commence. Le vainqueur quitte le faubourg de Dorogomilov et vient s'abriter au Kremlin. C'était dans la matinée du 15. Il éprouva un moment de joie en pénétrant dans le palais de Pierre le Grand. Son orgueil satisfait écrivit quelques mots à Alexandre, à la réverbération du bazar qui commençait à brûler, comme autrefois Alexandre, vaincu, lui écrivait un billet du champ d'Austerlitz. Dans le bazar, on voyait de longues rangées de boutiques toutes fermées. On contient d'abord l'incendie, mais dans la seconde nuit, il éclate de toutes parts. Des globes lancés par des artifices crèvent, retombent en gerbes lumineuses sur les palais et les églises. Une bise violente pousse les étincelles et lance les flammèches sur le Kremlin. Il renfermait un magasin à poudre. Un parc d'artillerie avait été laissé sous les fenêtres mêmes de Bonaparte. De quartier en quartier, nos soldats sont chassés par les effluves du volcan. Des gorgones et des méduses, la torche à la main, parcourent les carrefours livides de cet enfer. D'autres attisent le feu avec des lances de bois goudronnées. Bonaparte, dans les salles du nouveau Pergame, se précipite aux croisées, s'écrie « Quelle résolution extraordinaire ! Quels hommes ! Ce sont des sites !» Le bruit se répand que le Kremlin est miné. Des serviteurs se trouvent mal, des militaires se résignent. Les bouches des divers brasiers, en dehors, s'élargissent, se rapprochent, se touchent. La tour de l'arsenal, comme un haut-cierge, brûle au milieu d'un sanctuaire embrasé. Le Kremlin n'est plus qu'une île noire, contre laquelle se brise une mer ondoyante de feu. Le ciel, reflétant l'illumination, est comme traversé des clartés mobiles d'une aurore boréale. La troisième nuit descendait. On respirait à peine dans une vapeur suffocante. 2 fois des mèches ont été attachées au bâtiment qu'occupait Napoléon. Comment fuir ? Les flammes attroupées bloquent les portes de la citadelle. En cherchant de tous les côtés, on découvre une poterne qui donnait sur la Moscova. Le vainqueur, avec sa garde, se dérobe par ce guichet de salut. Autour de lui, dans la ville, des voûtes se fendent en mugissant. Des clochers, d'où découlaient des torrents de métal liquéfié, se penchent, se détachent et tombent. Des charpentes, des poutres, des toits, craquant, pétillant, croulant, s'abîment dans un flégeton dont ils font rejaillir la lame ardente et des millions de paillettes d'or. Bonaparte ne s'échappe que sur les charbons refroidis d'un quartier déjà réduit en cendres. Il gagna Petrovski, villa du Tsar. Le général Courgaud, critiquant l'ouvrage de M. de Ségur, accuse l'officier d'ordonnance de l'empereur de s'être trompé. En effet, il demeure prouvé, par le récit de M. de Baudus, aide-de-camp du maréchal Bessières, et qui servit lui-même de guide à Napoléon, que celui-ci ne s'évada pas par une poterne, mais qu'il sortit par la grande porte du Kremlin. Du rivage de Sainte-Hélène, Napoléon revoyait brûler la ville des sites. Jamais, dit-il, en dépit de la poésie, toutes les fictions de l'incendie de Troie n'égaleront la réalité de celui de Moscou. Remémorant antérieurement cette catastrophe, Bonaparte écrit encore « Mon mauvais génie m'apparut et m'annonça ma fin, que j'ai trouvée à l'île d'Elbe ». Kutuzov avait d'abord pris sa route à l'Orient. Ensuite, il se rabattit au midi. Sa marche de nuit était à demi éclairée par l'incendie lointain de Moscou, dont il sortait un bourdonnement lugubre. On eût dit que la cloche, qu'on n'avait jamais pu monter à cause de son énorme poids, eût été magiquement suspendue au haut d'un clocher brûlant pour teinter les glas. Kutuzov atteignit Voronovo, possession du comte Rostopchine. À peine avait-il entrevu la superbe demeure qu'elle s'enfonce dans le gouffre de nouvelles conflagrations. Sur la porte de fer d'une église, on lisait cet écriteau, la scripta morta, de la main du propriétaire. J'ai embelli pendant 8 ans cette campagne et j'y ai vécu heureux au sein de ma famille. Les habitants de cette terre, au nombre de 1720, la quittent à votre approche, et moi je mets le feu à ma maison pour qu'elle ne soit pas souillée par votre présence. Français, je vous ai abandonné mes 2 maisons de Moscou avec un mobilier d'un 500 000 roubles. Ici, vous ne trouverez que des cendres. Rostopchine. Bonaparte avait au premier moment admiré les feux et les sites comme un spectacle apparenté à son imagination. Mais bientôt le mal que cette catastrophe lui faisait le refroidit et le fit retourner à ses injurieuses diatribes. En envoyant la lettre de Rostopchine en France, il ajoute « Il paraît que Rostopchine est aliéné. Les Russes le regardent comme une espèce de marat. Qui ne comprend pas la grandeur dans les autres ne la comprendra pas pour soi quand le temps des sacrifices sera venu. » Alexandre avait appris sans abattement son adversité. « Reculerons-nous, écrivait-il dans ses instructions circulaires, quand l'Europe nous encourage de ses regards, servons-lui d'exemple. Saluons la main qui nous choisit pour être la première des nations dans la cause de la vertu et de la liberté. » Suivait une invocation au Très-Haut. Un style dans lequel se trouvent les mots de Dieu, de vertu, de liberté et puissant. Il plaît aux hommes, les rassure et les console. Combien il est supérieur à ces phrases affectées, tristement empruntées d'élocutions païennes et fatalisées à la turque. Il fut, ils ont été, la fatalité les entraîne. Phraséologie stérile, toujours vaine, alors même qu'elle est appuyée sur les plus grandes actions. Sorti de Moscou dans la nuit du 15 septembre, Napoléon y rentra le 18. Il avait rencontré en revenant des foyers allumés sur la fange, nourris avec des meubles d'acajou et des lambris dorés. Autour de ces foyers en plein air étaient des militaires noircis, crottés, en lambeaux, couchés sur des canapés de soie ou assis dans des fauteuils de velours, ayant pour tapis sous leurs pieds dans la boue des châles de cachemire, des fourrures de la Sibérie, des étoffes d'or de la Perse, mangeant dans des plats d'argent une pâte noire ou de la chair sanguinolente de cheval grillé. Un pillage irrégulier ayant commencé, on le régularisa. Chaque régiment vint à son tour à la curée. Des paysans chassés de leurs huttes, des cosaques, des déserteurs de l'ennemi rôdaient autour des Français et se nourrissaient de ce que nos escouades avaient rongé. On emportait tout ce qu'on pouvait prendre. Bientôt, surchargés de ses dépouilles, on les jetait quand on venait à se souvenir qu'on était à 600 lieues de son toit. Les courses que l'on faisait pour trouver des vivres produisaient des scènes pathétiques. Une escouade française ramenait une vache, une femme s'avança, accompagnée d'un homme qui portait dans ses bras un enfant de quelques mois. Il montrait du doigt la vache qu'on venait de leur enlever. La mère déchira le misérable vêtement qui couvrait son sein pour montrer qu'elle n'avait plus de lait. Le père fit un mouvement comme s'il eût voulu briser la tête de l'enfant sur une pierre. L'officier fit rendre la vache et il ajoute « L'effet que produisit cette scène sur mes soldats fut tel que pendant longtemps il ne fut pas prononcé une seule parole dans les rangs. » Bonaparte avait changé de rêve. Il déclarait qu'il voulait marcher à Saint-Pétersbourg. Il traçait déjà la route sur ses cartes. Il expliquait l'excellence de son plan nouveau, la certitude d'entrer dans la seconde capitale de l'Empire. Qu'a-t-il à faire désormais sur des ruines? Ne se fit-il pas à sa gloire qu'il soit monté au Kremlin? Telles étaient les nouvelles chimères de Napoléon. L'homme touchait à la folie, mais ses songes étaient encore ceux d'un esprit immense. « Nous ne sommes qu'à 15 marches de Saint-Pétersbourg, » dit M. Fin. « Napoléon pense à se rabattre sur cette capitale. » Au lieu de 15 marches à cette époque et dans de pareilles circonstances, il faut lire 2 mois. Le général Courgaud ajoute que toutes les nouvelles qu'on recevait de Saint-Pétersbourg annonçaient la peur qu'on avait du mouvement de Napoléon. Il est certain qu'à Saint-Pétersbourg, on ne doutait point du succès de l'empereur s'il se présentait. Mais on se préparait à lui laisser une seconde carcasse de cité et la retraite sur Archangel était jalonnée. On ne soumet point une nation dont le pôle est la dernière forteresse. De plus, les flottes anglaises, pénétrant au printemps dans la Baltique, auraient réduit la prise de Saint-Pétersbourg à une simple destruction. Mais tandis que l'imagination sans frein de Bonaparte jouait avec l'idée d'un voyage à Saint-Pétersbourg, il s'occupait sérieusement de l'idée contraire. Sa foi dans son espérance n'était pas telle qu'elle lui ôtât tout bon sens. Son projet dominant était d'apporter à Paris une paix signée à Moscou. Par là, il se serait débarrassé des périls de la retraite. Il aurait accompli une étonnante conquête et serait rentré aux Tuileries le rameau d'olivier à la main. Après le premier billet qu'il avait écrit à Alexandre en arrivant au Kremlin, il n'avait négligé aucune occasion de renouveler ses avances. Dans un entretien bienveillant avec un officier russe, M. de Toutelmine, sous-directeur de l'hôpital des enfants trouvés à Moscou, hôpital miraculeusement épargné de l'incendie, il avait glissé des paroles favorables à un accommodement. Par M. Jakovlev, frère de l'ancien ministre russe à Stuttgart, il écrivit directement à Alexandre, et M. Jakovlev prit l'engagement de remettre cette lettre au tsar sans intermédiaire. Enfin, le général Lauriston fut envoyé à Koutouzov. Celui-ci promit ses bons offices pour une négociation pacifique, mais il refusa au général Lauriston de lui délivrer un sauf-conduit pour Saint-Pétersbourg. Napoléon était toujours persuadé qu'il exerçait sur Alexandre l'empire qu'il avait exercé à Tilsit et à Erfurt. Et cependant, Alexandre écrivait le 21 octobre au prince Michel Larkanowitz : J'ai appris à mon extrême mécontentement que le général Bennigsen a eu une entrevue avec le roi de Naples. Toutes les déterminations dans les ordres qui vous sont adressés par moi doivent vous convaincre que ma résolution est inébranlable, que dans ce moment aucune proposition de l'ennemi ne pourrait m'engager à terminer la guerre et à affaiblir par là le devoir sacré de venger la patrie. Les généraux russes abusaient de l'amour-propre et de la simplicité de Murat, commandant de l'avant-garde. Toujours charmé de l'empressement des Cosaques, il empruntait des bijoux de ses officiers pour faire des présents à ses courtisans du Don. Mais les généraux russes, loin de désirer la paix, la redoutaient. Malgré la résolution d'Alexandre, ils connaissaient la faiblesse de leur empereur et ils craignaient la séduction d'une autre. Pour la vengeance, il ne s'agissait que de gagner un mois, que d'attendre les premiers frimas. Les vœux de la chrétienté moscovite suppliaient le ciel de hâter ces tempêtes. Le général Wilson, en qualité de commissaire anglais à l'armée russe, était arrivé. Il s'était déjà trouvé sur le chemin de Bonaparte, en Égypte. Favier, de son côté, était revenu de notre armée du Midi à celle du Nord. L'Anglais poussait Koutouzov à l'attaque, et l'on savait que les nouvelles apportées par Favier n'étaient pas bonnes. Des deux bouts de l'Europe, les deux seuls peuples qui combattaient pour leur liberté se donnaient la main par-dessus la tête du vainqueur à Moscou. La réponse d'Alexandre n'arrivait point. Les estafettes de France s'attardèrent. L'inquiétude de Napoléon augmentait. Des paysans avertissaient nos soldats. « Vous ne connaissez pas notre climat, » leur disait-il. « Dans un mois, le froid vous fera tomber les ongles. » Milton, dont le grand nom agrandit tout, s'exprime aussi naïvement dans sa Moscovie. « Il fait si froid dans ce pays que la sève des branches mises au feu gèle en sortant du bout opposé à celui qui brûle. » Bonaparte, sentant qu'un pas rétrograde rompait le prestige et faisait évanouir la terreur de son nom, ne pouvait se résoudre à descendre. Malgré l'avertissement du prochain péril, il restait, attendant de minute en minute des réponses de Saint-Pétersbourg. Lui qui avait commandé avec tant d'outrage, soupirait après quelques mots miséricordieux du vaincu. Il s'occupe au Kremlin d'un règlement pour la Comédie-Française. Il met 3 soirées à achever ce majestueux ouvrage. Il discute avec ses aides de camp le mérite de quelques vers nouveaux arrivés de Paris. Autour de lui, on admirait le sang-froid du grand homme, tandis qu'il y avait encore des blessés de ses derniers combats, expirant dans des douleurs atroces, et que par ce retard de quelques jours, il dévouait à la mort les 100 000 hommes qui lui restaient. La servile stupidité du siècle prétend faire passer cette pitoyable affectation pour la conception d'un esprit incommensurable. Bonaparte visita les édifices du Kremlin. Il descendit et remonta l'escalier sur lequel Pierre le Grand fit égorger les Strelitz. Il parcourut la salle des festins où Pierre se faisait amener les prisonniers, abattant une tête entre chaque rasade, proposant à ses convives, princes et ambassadeurs, de se divertir de la même façon. Des hommes furent roués alors et des femmes enterrées vives. On pendit 2000 Strelitz dont les corps restèrent accrochés autour des murailles. Au lieu de l'ordonnance sur les théâtres, Bonaparte eut mieux fait d'écrire au Sénat conservateur la lettre que des bords du Prut, Pierre écrivait au Sénat de Moscou. « Je vous annonce que, trompé par de faux avis, et sans qu'il y ait de ma faute, je me trouve ici enfermé dans mon camp par une armée 4 fois plus forte que la mienne. S'il arrive que je sois pris, vous n'avez plus à me considérer comme votre czar et seigneur, ni à tenir compte d'aucun ordre qui pourrait vous être porté de ma part, quand même vous y reconnaîtriez ma propre main. Si je dois périr, vous choisirez pour mon successeur le plus digne d'entre vous. » Un billet de Napoléon, adressé à Cambacérès, contenait des ordres inintelligibles. On délibéra, et quoique la signature du billet portât un nom allongé d'un nom antique, l'écriture ayant été reconnue pour être celle de Bonaparte, on déclara que les ordres inintelligibles devaient être exécutés. Le Kremlin renfermait un double trône pour deux frères. Napoléon ne partageait pas le sien. On voyait encore dans les salles le brancard brisé d'un coup de canon sur lequel Charles XII, blessé, se faisait porter à la bataille de Poultava. Toujours vaincu dans l'ordre des instincts magnanimes, Bonaparte, en visitant les tombeaux des czars, se souvint-il qu'au jour de fête on les couvrait de draps mortuaires superbes, que lorsqu'un sujet avait quelque grâce à solliciter, il déposait sa supplique sur un des tombeaux et que le czar avait seul le droit de l'en retirer. Ces placés de l'infortune, présentés par la mort à la puissance, n'étaient point du goût de Napoléon. Il était occupé d'autres soins. Moitié désir de tromper, moitié nature, il prétendait, comme en quittant l'Égypte, faire venir les comédiens de Paris à Moscou, et il assurait qu'un chanteur italien arrivait. Il dépouilla les églises du Kremlin, entassa dans ses fourgons des ornements sacrés et des images de saints, avec les croissants et les queues de cheval conquis sur les Mahométans. Il enleva l'immense croix de la tour du Grand Ivan. Son projet était de la planter sur le dôme des Invalides. Elle eût fait le pendant des chefs-d'œuvre du Vatican dont il avait décoré le Louvre. Tandis qu'on détachait cette croix, des corneilles vagissantes voltaient autour. « Que me veulent ces oiseaux ?» disait Bonaparte. On touchait au moment fatal. Daru élevait des objections contre divers projets qu'exposait Bonaparte. « Quel parti prendre donc ? » s'écria l'empereur. « Rester ici, faire de Moscou un grand camp retranché, y passer l'hiver, faire saler les chevaux qu'on ne pourra nourrir, attendre le printemps. Nos renforts et la Lituanie armée viendront nous délivrer et achever la conquête. » « C'est un conseil de lion, » répond Napoléon. « Mais que dirait Paris ? La France ne s'accoutumerait pas à mon absence. » « Que dira-t-on de moi à Athènes ?» disait Alexandre. Il se replonge aux incertitudes. Partira-t-il ? Ne partira-t-il pas ? Il ne sait. Maintes délibérations se succèdent. Enfin, une affaire engagée à Vinkovo, le 18 octobre, le détermine subitement à sortir des débris de Moscou avec son armée. Ce jour-là même, sans appareil, sans bruit, sans tourner la tête, voulant éviter la route directe de Smolensk, il s'achemine par l'une des deux routes de Kalouga. Fin de la section 8.